Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui NJ. Oui, ben moi une première galère que j'ai eue, elle était assez rigolote, c'est-à-dire que je faisais un sketch sur le burn-out et il me restait peut-être 30 secondes, 45 secondes à faire et tout à coup dans la salle j'entends « Stop, stop, arrêtez tout !» Alors moi je me suis dit « ben, il doit y avoir le feu, il y a un incident quoi !» Du coup, ben moi j'arrête tout quoi. Et il rallume la scène et puis en fait, il y a une dame qui se lève, en fait c'était l'organisatrice qui dit « Oui, à partir d'aujourd'hui, on va appliquer les règles de Paris, donc tout ça, ça va être minuté. » Le problème, c'est qu'à minima... Elle a interrompu le sketch, quoi. Ouais, tout à fait. Et en gueulant, stop, stop. Ouais. Genre, pas discrètement, une petite lumière rouge. Non, pas du tout, tout ça. Ils n'avaient pas le matos pour ça. Oh là là. Non. Et alors, en fait, ce qui est marrant dans le truc, c'est qu'en fait, à minima, ils auraient pu nous dire que c'était minuté, quoi. Bah, avant, quoi, oui. Bah oui. Voilà. C'est pas une fois que t'es sur scène qu'il faut te prévenir. Ouais. Bah, surtout devant le public et tout. Elle a dû tuer le rythme. Ah oui, ben après, en fait, à la fin, il y a des gens qui sont venus vers moi et m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il y en avait même certains qui pensaient que c'était organisé. Donc, moi, j'étais de mèche avec l'organisation, quoi. Ouais, mais bon, l'effet aurait été raté quand même. Hein. Ouais. C'est pas le genre d'effet qu'on met en place, quoi. Ouais. Puis les gens dans le public, ils devaient se demander c'était quoi la fin, vu qu'il restait que 30 ou 45 ouais. secondes. Ouais, tout à fait. Parce qu'en général, on laisse toujours le dernier effet, le truc vraiment qui va les cueillir, tu vois. Elle a tué le... Ah ben, franchement, c'est abusé, quoi. C'est abusé. Ouais. Autant quand c'est timé, bon, bah, c'est normal, parce qu'il y a quand même une organisation à respecter, mais on prévient les gens avant, quoi. Sinon, une autre galère un peu plus, je dirais, rigolote, je faisais un plateau et c'était une salle où le public, en fait, était éclairé. Mmh. Et donc, je balance une première vanne, bon, elle prend bien, et bon, il se trouve qu'au milieu de la salle, il y avait une nana qui était jolie, une belle blonde, quoi. Je vois, elle rigole pas du tout. Alors, bon, ça doit être un réflexe qu'on a, nous, les humoristes. Deuxième vanne. Bing, je la regarde, mais pas de ça. Rire. C'est ça. J'en étais jusqu'à la fin de mon sketch, 12e, 13e, 14e van, même attitude. Je me suis dit, ben, je ne sais pas, peut-être qu'elle dort, peut-être qu'elle est sourde, je ne sais pas quoi. Mais c'est vrai, tu soulignes un point important, on a tous tendance, moi le premier, dès que, au lieu de se concentrer sur les 99% de personnes qui rigolent, on se concentre sur le 1% qui ne rigole pas. C'est vrai. Et on se dit à chaque van, je vais vérifier si lui ou elle genre, a validé. Ouais. Mais ce n'est pas important en vrai, on veut se concentrer sur le truc. Ouais. Et donc, oui. Et alors, ça en est resté là, et puis je dirais 2-3 mois plus tard, je refais un plateau, elle vient me voir à la fin du plateau, et elle vient me dire, j'adore ce que tu fais. Oh, punaise. On en a tous eu des comme ça. Les gens qui ont le rire très discret. Ouais. Tu avais une autre anecdote, je crois ? Oui, la toute dernière, c'était pour trouver la MJC du Haut du Lièvre pour aujourd'hui. T'as galéré un petit peu ? Ah bah oui, ça fait partie également des galères d'humoristes, mesdames et messieurs. Des fois, même le GPS nous laisse tomber. Et on cherche les salles et on galère quand les salles ont changé de nom ou un truc comme ça. C'est compliqué. Donc, t'as eu du mal à trouver la MJC voilà. du Lièvre. Ouais. Et oui, parce qu'on joue ce soir à Nancy. Et d'ailleurs, on en profite pour saluer toute l'équipe de la MJC. Ouais. Et donc, oui, apparemment, il y a quelques petits soucis pour trouver. Bon, moi, ça va, je suis arrivé à la gare, on est venu me chercher. Donc, ça va, j'ai eu la chance. Mais en voiture, ouais, c'est un peu plus compliqué des fois. Et donc, on peut te retrouver... où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-nous ? Ben, moi, j'ai juste une page, NJ Humoriste page. Ah, si tu peux juste donner l'orthographe. Parce que, voilà... Alors, comme je le dis dans un de mes sketchs, mon prénom, ça s'écrit A-N-D-R-Z-E-J. Et donc, j'ai... 92 au Scrabble. Voilà, ça fait 92 au Scrabble. Mais je dis que j'ai un copain polonais qui a... c'est encore pire parce que ça s'écrit G-R-Z, hein, ça commence fort. E-G-E-R-Z. Ouf. Et ça se prononce Jean-Pierre. Ah d'accord, ok. Alors voilà. Bon, en tout cas, pour retrouver NJ, vous l'aurez compris, c'est A-N-D-R-Z-E-J. Super, waouh. Voilà, donc ça va. Moi, je suis habitué, moi, ça fait longtemps qu'on a mis sur Facebook. Ça va. Je te cache pas que les premiers jours, j'ai eu du mal un peu, j'ai eu du mal. Mais ça va, ma mâchoire a guéri depuis. Ouais. Donc, écoute, on te retrouve là-dessus, on te retrouve sur peut-être Instagram, tout ça. Non, moi uniquement je suis Facebook. Ouais, pour l'instant que Facebook. Ok, eh bien pas de problème. Ouais. Pour ma part, vous me retrouvez donc sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etahi, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.